chemise. Et je mets tes colliers. Je fume tes gitanes. Tu bois mon café noir. Tu as mal à mes reins et j'ai froid à tes pieds. Tu passes mes nuits blanches et j'ai tes insomnies. Je ne sais pas où tu commences. Tu ne sais pas où je finis. Tu as des cicatrices là où je suis blessé. Tu te perds dans ma barbe. J'ai tes poignets d'enfant. Tu viens boire à ma bouche et je mange à ta faim. Tu as mes inquiétudes et j'ai tes rêveries. Je ne sais pas où tu commences. Tu ne sais pas où je finis. Tes jambes m'emprisonnent, mon ventre te retient. J'ai ta poitrine ronde, tu as mes yeux cernés. Ton souffle me réchauffe. Et j'étouffe tes cris. Je me tais quand tu m'aimes. Tu dors quand je le dis.